Chapitre 14. Le festin. Dans la cour, à l'ombre du mûrier, on cloua des planches sur des pieux. On apporta les bancs de la cuisine et les hommes, pour se rafraîchir, commencèrent à boire l'absinthe. Agnès survint. Elle trottinait, dégourdie et charmante, en son tablier immaculé de sang et trempé de sauce. « Eh bé ! » cria-t-elle. « Ah, Rosette, quel plat d'étouffée tu nous as donné !» Elle s'insinuait auprès de Guitounet. Celui-ci, pourtant, la négligeait de nouveau, car son verre d'absinthe l'hypnotisait avec une sorte de terreur et de la joie tout ensemble. « Quelle travailleuse, cette Agnès !» murmura Boispeau. « Tais, dit Rosette, elle peut bien se marier avec Santou. » Le domestique s'avançait, lourdeau, stupéfait qu'on n'osa s'attabler de si bonne heure. Il refusa, comme une femme, sa part d'absinthe, lui qui ne s'abreuvait que d'eau, parfois coupée de vin. Mais Claude ne refusa point, ni Périne. Par exemple, la bravoure de la jeune meunière égaya les hommes, scandalisa presque Rosette et Durante. Jérôme, dans l'orgueil de la fête, se pavanait. Il remonta son pantalon autour des reins d'une secousse gaillarde. Puis, une main appuyée sur la tête de son neveu, l'autre sur la casquette de Fabarotte qui coupait le bout d'un cigare, il se laissa préparer l'apéritif par ce flagorneur de Pataloco. Enfin, Guitou lui-même, s'étant approché d'un pas endormi, s'humecta les lèvres au verre de son fils. Après quoi, ayant bourré une pipe, il leva sa canne dans le vague. « J'ai bien une demi-heure de promenade. Je vais par là dans les environs. » « Une demi-heure, pas davantage !» lui dit Agnès. Il s'éloigna par le chemin creux. Agnès ne s'était pas vantée. Juste une demi-heure après, on se réunissait autour de la table. Guitou, à sa place de chef, entre Durante, à qui Boispeau rompait le pain déjà, et Rosette, qui s'acharnait à nouer fortement sa serviette au cou, bien que Fabarotte, son voisin, lui répéta qu'une telle enveloppe de toile incommodait la digestion. Campal, toujours frétillant, regardait Claude à l'autre bout de la table. Jérôme, en face de son frère, le buste droit, les poings immobiles, dominait son neveu Luc qui aiguisait son couteau contre celui d'Agnès et Pataloco qui ébouriffait ses larges favoris avec fanfaronnade. Sous les rôles, placés entre Campal et Pataloco, regardait Périne en face. Cette jolie Périne, pour l'instant si occupée de son mari, de son Claude fin et blond comme l'enfant Jésus, qu'elle tournait presque le dos au boulanger. D'un bout de la table à l'autre, on avait répandu le hors-d'œuvre, des oignons, de l'ail, des paquets de radis, des olives, des petits pâtés, du sel dans des morceaux de papier. Dans des seaux d'eau, trempaient les litres de vin, par terre, à côté de Jérôme, à côté de Claude et de Campal. Toutes les mains, avides, dépouillaient les hors-d'œuvre. Les poules s'aventurèrent bientôt autour des convives, parmi les miettes de pain et les épluchures. Seule, Agnès ne mangeait guère, toute remplie par ses soucis d'amour, attentive à saisir sous la table les pieds de Guitounet. Ce pharaon, dans la crainte d'embarrasser, s'écartait chaque fois, se pelotonnait contre Jérôme, même d'une manière si fâcheuse que celui-ci brutal le rabroua. Alors, Luc Guitounet abandonna ses pieds à sa voisine et l'amoureuse servante tressaillit de joie dans tout son corps. « Tu n'as pas d'appétit, Agnès ?» lui demanda Guitou. « Ah, parbleu, ce qui t'empêche d'en avoir, c'est le feu de la cuisine où tu as tant travaillé. » « Agnès est une demoiselle, ricana Rosette. Elle s'abstient des oignons parce qu'ils lui feraient sentir la bouche. » On éclata de rire, en tapage, d'un rire qui enflait et empourprait les faces reluisantes. Vraiment, ils vivaient tous dans la plénitude de l'être, sains et francs. Le jour était créé pour eux, le soleil dans l'espace, l'ombrage du mûrier des platanes, la chanson de la rivière, la clarté du verger. Ils avaient jusqu'au soir pour manger et boire. Jérôme distribua le vin, 2 litres entiers, bien que Durant eût réclamé de l'eau, que Santou s'en fût cherché dans la cruche de la cuisine. Agnès apporta pieusement, dans une vaste casserole, le gras étouffé, semé succulent d'hiver, du bœuf qu'on laisse mijoter pendant 3 jours au fond d'un pot de 5 à 6 litres, pêle-mêle avec des oignons, des tomates et du laurier. Chacun vida son assiette par-dessus l'épaule, puis mangea encore. Claude ne se pressait pas. Il découpait les morceaux de viande dans l'assiette de Perrine pour enseigner peut-être la civilité à son épouse, sans le dire. Ensuite, se servant de sa fourchette, il manœuvrait avec tant de sagesse qu'il terminait ses portions avant les camarades, trop goulus, lesquels étaient parfois obligés de renverser la tête, comme des poules, pour faire passer d'énormes morceaux dans le gosier. Alors, n'ayant qu'à se reposer, Claude observait son beau-père. « Ah, mon Dieu, Jérôme buvait beaucoup. S'il buvait plus que de raison, ne commettrait-il pas ce soir quelque méchanceté après le départ de la rue Saint-Jean ?» Claude avait toujours peur. Jérôme, en effet, ne pensait qu'à jouir de son ventre, à remplir autour de lui les verres sans relâche, et il riait silencieusement, la bouche pleine, ses gros yeux troubles, examinant la tablée avec superbe. On ne parlait que pour féliciter Rosette de son bœuf à l'étouffée. Quel plat ! On avait beau tirer, il y en avait toujours. Tout de même, on finit par l'épuiser. Agnès apporta le poisson, la pêche dont Patalocco avait fait cadeau la veille à Roquemangarde. Les carpes, les anguilles et les barbeaux nageaient dans une flaque blanche, une source de farine, d'œufs et d'huile. Patalocco lui-même découpa la part de chacun en stricte justice. Seulement, au milieu du service, cette coquine d'Agnès échangea son assiette contre celle de Guitounet. Celui-ci s'aperçut de la ruse. Loin de se fâcher, il abandonna ses pieds davantage sous la table. Quelle victoire pour Agnès ! La faim lui revint tout d'un coup. Elle ne cessa de frotter, refrotter avec vigueur l'assiette bien-aimée. On mangeait plus lentement. Les estomacs commençaient à bien se fournir. Jérôme levait à chaque instant une bouteille qui ruisselait de l'eau fraîche des grands seaux. Claude en glissa à l'oreille l'observation à Perrine. Celle-ci, aussitôt, osa interpeller son père. « Dis, nous buvons trop !»« Ça ne te regarde pas, ma fille !» Perrine rougit devant le monde, d'autant plus que son oncle, gagné lui aussi par l'entrain glorieux de la fête, lui reprocha de se permettre ainsi des recommandations. « Ne crains rien, ma fille, lui dit-il, ton père sait parfaitement qu'aujourd'hui il est son maître et qu'il doit donner l'exemple de la bonne conduite. » Et cet innocent de Guitou s'empiffrait à la suite des autres au lieu de résister aux tentations du vin. Les assiettes s'étaient vidées une fois encore. Perrine, sous le prétexte de soulager Agnès, s'en alla chercher les 3 canards dans la cuisine. Seulement, elle ne revint plus. Claude, vite, s'empressa à son secours. Dans la cuisine, il la trouva qui pleurait, appuyée au manteau de la cheminée, Pécaïre, qui pleurait de tout son cœur, comme une enfant. « Allons, Nigaude, qu'as-tu donc ?»« Je vois rouge, ce jour ne finira pas bien !» « Nous pensons trop à la noce avant d'avoir gagné le moindre sou. »« Ah, je le sens aussi. Après tout, si ton père commet une méchanceté, nous partirons d'ici. »« Qué, que dis-tu, partir d'ici ?» Perrine se lamenta de plus belle. Claude, tout badaud, ne sut plus, dans son désarroi, que répondre. Mais de la cour, on les rappelait à grands cris. Alors Perrine s'essuya les yeux avec un bout de sa jupe. Claude, pour dissiper sa tristesse, se frotta le visage avec les mains. Ils sortirent ensemble, se présentèrent à la hâte, en s'efforçant de rire. Fabarot et Soulérol découpèrent les canards. Fabarot avec ses gestes cérémonieux de peintre, Soulérol avec ses gestes gourmands de pâtissier et de poète. Jérôme, cependant, bourru, les coudes sur la table, considérait son frère. Tandis qu'on savourait les canards rôtis à la broche, les roseaux du verger, au bord de la rivière, frémirent. on vit apparaître le garde Bakenois, solennel, sa barbe blanche étalée sur sa blouse, la carabine à l'épaule. « Viens ici !» lui cria Pataloco. « Viens goûter les meringues de Soulérolles et surtout les anguilles de notre rivière !» Bakenois, sans répliquer, se reposa dédaigneusement sous un figuier, dans l'herbe du pré, à la limite du domaine, et tourné de telle sorte que son regard embrassait la tablée, la cour et la maison. « Est-ce qu'il vient nous surveiller ?» grommela Jérôme. « S'il veut s'asseoir à ma table en bon camarade, je lui trouverai une place, pardi. » « Je n'ai rien contre toi, » répondit le garde. « Voyons, que diraient monsieur le maire et toute la population de Pézenas si je m'attablais à côté de Pataloco, contre qui, la veille, j'ai verbalisé ?»« Athonaise, » riposta le matelot, « verbalise. Je conserve mes engins de pêche et mon barco, malgré toi. »« Tu ne les conserveras pas toujours. » Bakenois, le menton sur les poings, souriait de malice. Il était venu surveiller véritablement ses braves compères et commères qui, peut-être, après le repas, s'en iraient dormir dans les luzernes d'autrui. Gare s'il les surprenait, il leur ferait payer cher l'amitié de Pataloco. En attendant, il avait aussi chaud qu'un canard à la broche, et ce n'est pas le feuillage transparent du figuier qui pouvait le protéger du soleil. Devant cette tablée heureuse, il souffrait de la faim et de la soif, comme un grillon dans un blé où il n'a pas plu depuis un mois. Autour de Jérôme, on ne soupçonnait certes pas que le garde eût la force de penser. Tout le travail était d'achever les restes des volailles et de boire. Rosette, suant la fièvre, retroussa ses manches. Durante souleva un peu sa jupe sur les genoux, sans se douter que Santou pouvait, sous la table, apercevoir ses mollets. Mais Santou, ça ne signifiait rien. C'est elle justement qui lui parla, hardie. « Santou, va prendre mon vin pour le dessert. » Soulérolles ajouta, « Tu prendras aussi mes gâteaux, et ne les brise pas. » « Et en avant, deux !» s'écria Campal, qui, les bras en l'air, gigotait sur sa chaise. Pataloco fit sauter son béret et le rattrapa fort adroitement sur la tête. Guitou riait, Jérôme aussi, les poings à la bouche. Luc, au contraire, tenait son sérieux, comme s'il se fût trop gorgé. C'est qu'Agnès le caressait sous la table et le pinçait aux jambes. Santou apporta entre ses bras, doucement, le panier de Soulérolles et les bouteilles de Durante. Jérôme, d'une poussée généreuse, versa le panier sur la table. Toutes les mains, aussitôt, de même qu'au début sur le hors-d'œuvre, s'abattirent ensemble sur les meringues et les choux à la crème. Boispeau déboucha les bouteilles que Durante avait, pendant 20 ans, respectées au meilleur coin de sa cave. Et le vin brilla dans les verres, doré comme les ailes des cigales, clair comme du cristal. Bakenois souffrit davantage. Personne ne faisait attention à lui, pas même Pataloco. La soif le dévorait. Pourtant, ces bons vivants, à l'ombre du mûrier, étaient repus. Les mains inertes, il se regardait en souriant, en se léchant les lèvres. Seul, Soulérolles eut le courage de parler pendant qu'Agnès et Perrine préparaient le café dans la cuisine. « Écoutez, dit-il, c'est bien le moment de raconter des histoires ou, si vous aimez mieux, des galéjades, comme on dit en Provence, des majades, comme on dit à Pézenas. Tenez, voilà Santou qui ronfle comme un sapeur sur le tronc d'arbre. Savez-vous ce qu'il fit un jour ? Son maître, qu'il était allé réveiller un matin, lui commanda d'ouvrir la fenêtre et de le renseigner sur la couleur du temps. Santou se trompa. Au lieu d'ouvrir la fenêtre, il ouvrit le buffet des provisions, y fourra sa tête et, dans l'obscurité de la cuisine, il répondit « Mon Dieu, que le ciel est obscur ! Mais que le temps pue à fromage ! Oh, Santou, Santou !» Un soir d'été, à Pézenas, avant de rentrer au moulin, il mena boire Jacounel à l'abreuvoir du Planol. Des nuages couraient dans le ciel, la lune blanche était déjà en chemin. Jacounel s'abreuvait lentement, pendant que Santou lui sifflait un refrain. La lune, soudain, se mira dans l'eau claire. Seulement, presque aussitôt, un nuage malicieux l'enveloppa si bien dans son ombre qu'elle disparut. Et Santou, levant les bras, cria au roulier qui tenait des chevaux près de lui « Mon Dieu, bête ! Jacounel qui vient de boire la lune !»« Oh, par exemple, la lune de Jacounel !» On riait, on cognait la table du front et des poings. Dans le brouhaha, Durant et Boispeau, tels que deux chaînes bouleversées par la tempête, se heurtèrent. Fabarotte déboutonna son gilet. Les hommes l'imitèrent. Rosette déboutonna son abondant corsage. Durant aussi, n'ayant plus de honte, découvrit un bout de sa gorge qui était ridé, pécaire, jaune comme un coin. Boispeau reluquait la vieille demoiselle. Il inspectait plutôt sa robe, son collier d'or, supputait combien de fortune le père Durand avait dû léguer à son héritière. Enfin, le café mit un peu d'ordre sur la table. « Quel dommage, soupira Campal, que ce bon repas soit terminé. Dieu, là-haut, doit être content de nous voir heureux un jour de fête. »« Ne parlons pas de Dieu, » fit Durand en se signant. On n'avait plus l'élan de rire. On souriait. Si nous allions dormir, proposa Jérôme. Ce n'est pas de refus, répondit Guitou.